Écoute. Ouais, je suis là. Si tu ne peux pas sortir quelqu'un de ta tête, ni de ton cœur, c'est peut-être qu'il est supposé y rester, non? T'es pas d'accord avec moi? Si. Ouais, merci. Conscience, méfiance, attirance, prudence. Des mots, des joies et des peines, la douleur dans nos veines, du bonheur dans nos cœurs. Chaque personne a sa place sur terre, mais tout le monde a aussi droit à ses galères. Ou bien ce n'est que lorsqu'on a le cœur qui casse. On se rend compte qu'à l'intérieur, y'a que les vrais qui ont leur place. L'amour est comme une épine de rose, une fois qu'on l'a entre les mains, elle vous blesse. C'est quelques gouttes de sang qui vous rappellent la faiblesse. Comme une larme glisse sur sa tige, cette épine mêlée à mon sang qui se gire. Mais je vais tenir bon et ne pas lâcher cette rose. Je l'aime tellement, je ferai jamais la peau. Ça, cette fleur qui m'enivre de son doux parfum quand elle éclore. La souffrance est la compagne de ton errance, en silence, avec insouciance. En cadence, tu cries ta délivrance, tu es l'essence de ta souffrance. Descends, décadence, dépassante, avance. La souffrance est la compagne de ton errance, comme en transe, petit corps tremblant. Tu avances avec magnificence, tu relèves la tête avec puissance. Malgré ta souffrance qui enfonce une dégénérescence. Conclure ta souffrance, la tête haute, le cœur rempli d'espoir. Le bout du tunnel n'est plus loin. Avance. Souffrance. Des mots, des joies et des peines, la douleur dans nos veines, le bonheur dans nos cœurs. Si mes sourires font surface, c'est pour cacher le drame et me voiler la face. J'ai beau dire que tout ça n'a plus d'importance, que j'ai oublié, mais j'avoue que j'y repense. J'y repense quand le ciel se met à pleurer, car tu m'as laissé un souvenir en guise de souffrance. Tu m'as laissé sans penser aux conséquences, et aujourd'hui je tourne la page pour essayer d'oublier. Souffrance, ah. Même si ma raison me pousse à oublier, mon cœur et mes larmes n'en diront jamais. Désormais mes mots se transforment en larmes. Mon cœur est brisé, je laisse couler mon âme. Je la laisse partir loin, loin de la souffrance. Vas-y, pars dans le firmament étoilé. Parmi tous ces astres qui dansent, il en est un que l'on peut appeler d'un nom terrible, la souffrance. La souffrance. Si mon cœur est rempli de souffrance, j'avance escorté par cette attirance vers une vie que j'espère deviendra romance. La souffrance est la compagne de ta errance. Ce n'est pas la souffrance de l'enfant qui est révoltante en elle-même, mais le fait que cette souffrance ne soit pas justifiée. La souffrance use espoir et la foi. Souffrance, barre-toi de là, barre-toi de là. Ma route est bordée d'obstacles, je ne crois plus que ton miracle. Alors j'avance même si je me prends des claques. Transe, enfuis tout au fond de mon cœur. Repose une ancienne souffrance, elle ne s'appelle plus douleur. Mais quand les jours sont gris, elle me relance. La souffrance prime avec violence, car tu te bats toujours pour lutter contre la souffrance.